Sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, l'Amérique des écrivains français, une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a ces élections américaines qui nous tiennent en haleine et une ancienne fascination-répulsion pour ce pays dont il faut démêler la longue histoire. Alors pour commencer, les personnages. Une autrice face aux clichés, un éditeur qui cherche l'ailleurs, un historien du voyage, Tocqueville, une chercheuse qui raconte, Chateaubriand, un spécialiste de la littérature populaire, un auteur en désamour, Stendhal et Baudelaire. Ensuite, le décor. Des paysages, de l'action, un pays neuf, des missions, la démocratie, l'esclavage, des voyages, la figure de l'Indien, la grande ville, la violence, la révolution et l'empire, l'inculture, la guerre et l'anti-américanisme. Aujourd'hui, premier épisode, on commence par le vocabulaire. Je me souviens pas, en tout cas, que chez moi, on parlait des États-Unis, on disait beaucoup l'Amérique, ce qui est autre chose, enfin, ce qui est encore un vocable différent. Maïlis de Kerangal. Les États-Unis, voilà, c'est un concept historico-politique, etc. Tandis que l'Amérique, tout de suite, c'est le vocable qui va catalyser l'imaginaire américain. Et l'Amérique, c'est effectivement la prairie, les westerns, l'aventure, la terre épique. Une espèce d'image d'épinal, un cliché qui est véhiculé par les westerns, et les hommes qui en émanent sont ces êtres taiseux, pragmatiques, voilà, c'est le construire un feu de Jack London, c'est un peu ces êtres qui habitent ces paysages et qui ont un rapport au faire, un rapport à l'action, et qui est délesté de l'obsession des origines, qui est une obsession plus européenne. Les États-Unis, c'est un pays qui a l'habitude de se raconter en permanence. Oliver Gellmeister. C'est un pays tout neuf. C'est un pays qui s'est constitué vraiment il y a un siècle et demi, avec l'arrivée en masse d'immigrants d'Europe centrale, d'Europe du Sud. Et donc c'est un pays vraiment très neuf. C'est un pays qui se perçoit comme neuf et c'est un pays qui s'interroge en permanence sur son identité. Et donc, délesté de cette obsession des origines, on peut se réinventer, on peut se renommer, on peut être un autre que soi. Et ça me fascinait beaucoup. Il a l'habitude, donc, de se questionner. Et la fiction, c'est le meilleur moyen de comprendre qui on est, d'où on vient, à quoi on aspire. C'est un pays qui est extrêmement dynamique. Les vagues d'immigrants se succèdent, se remplacent. Les problématiques qui, pour nous, sont réglées depuis très longtemps, concernant l'esclavage, le racisme, même l'avortement, sont encore des sujets d'actualité aux États-Unis. Et donc, c'est pour moi encore un peu le Far West. L'Amérique des écrivains français. L'Amérique ennemie ou amie. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Philippe Roger, qui parmi les intellectuels et les écrivains pouvait aller aux États-Unis au 19e siècle et où allait-il ? Ah, alors c'est effectivement une des premières questions qu'il faut se poser parce que les voyages n'étaient pas de loin aussi simples qu'aujourd'hui. On peut dire qu'ils deviennent un peu plus simples à partir de 1830, 1840. À partir du moment où des lignes plus régulières se mettent à fonctionner. Bon, il fallait ou bien disposer d'une certaine fortune, ou bien être en mission. Et la mission aux États-Unis est quand même un des principaux motifs de voyage. N'oublions pas que, en remontant même un peu en arrière, puisqu'on va au XVIIIe siècle, même Chateaubriand était missionné, une mission un peu fantaisiste de son parent par alliance Malesherbes, pour découvrir le fameux passage du Nord-Ouest dont tout le monde rêvait, puisque Chateaubriand va le chercher au moment où, à peu d'années près, c'est le moment où on va savoir qu'il n'y a pas de passage du Nord-Ouest, ce passage qui devait relier le nord de l'Atlantique au Pacifique, quelque part au niveau du 50e parallèle. Mais c'est le thème, si on peut dire, ou le prétexte qui lui sert à obtenir de l'aide, des quelques subsides au moment où il part en 1791. Et évidemment, Tocqueville, bon, le cas le plus célèbre, c'est Tocqueville qui est missionné pour aller enquêter sur les prisons américaines. Alexis Tocqueville part aux États-Unis en 1831 avec son ami Gustave de Beaumont. Il veut aller chercher aux États-Unis Laure Mandeville, le modèle d'une démocratie apaisée et fructueuse et prospère. Il va profiter du fait que le gouvernement décide de lui confier, à lui et à son ami, une mission pour aller observer l'état du régime pénitentiaire américain et comment en tirer des leçons pour le régime pénitentiaire français. Mais il est tout à fait clair dans la correspondance qu'il a à la fois avec son père, avec ses frères, que Tocqueville a une ambition beaucoup plus large avant son départ et qu'il a déjà, au fond, arrêté un peu les idées générales sur lesquelles il veut travailler. Et finalement, c'est vrai que ce qui va se passer, c'est que tout en travaillant de manière très sérieuse à ce rapport qu'ils doivent écrire en commun avec Gustave de Beaumont, il va peu à peu, lui, se plonger dans une étude extrêmement ambitieuse de l'état des institutions, mais aussi des mœurs aux États-Unis, parce qu'il estime qu'on ne peut pas comprendre, en fait, l'état, ce qu'il appelle l'état social, qui fait, en fait, l'état politique, sans aussi étudier les traditions, les mœurs, la société, finalement. Il va faire œuvre de sociologue. Il y aura, au bout du compte, quand les deux amis vont revenir au bout de 9 mois, d'un périple tout à fait extraordinaire, une sorte de partage des tâches entre, d'un côté, Gustave de Beaumont, qui lui écrira quelque chose justement sur le régime pénitentiaire, avant de se plonger aussi de manière plus approfondie sur la question de l'esclavage, tandis que Tocqueville, lui, prendra à bras-le-corps ce tableau beaucoup plus général et extraordinaire que va devenir son grand ouvrage de la démocratie en Amérique. Dans la plupart des États situés au sud-ouest de l'Hudson, de grands propriétaires anglais étaient venus s'établir. Les principes aristocratiques, et avec eux les lois anglaises sur les successions, y avaient été importées. J'ai fait connaître les raisons qui empêchaient qu'on pût jamais établir en Amérique une aristocratie puissante. Ces raisons, tout en subsistant au sud-ouest de l'Hudson, y avaient cependant moins de puissance qu'à l'est de ce fleuve. Au sud, un seul homme pouvait, à l'aide d'esclaves, cultiver une grande étendue de terrain. On voyait donc dans cette partie du continent de riches propriétaires fonciers, mais leur influence n'était pas précisément aristocratique, comme on l'entend en Europe, puisqu'ils ne possédaient aucun privilège, et que la culture par esclave ne leur donnait point de tenancier, par conséquent, point de patronage. Toutefois, les grands propriétaires, au sud de l'Hudson, formaient une classe supérieure, ayant des idées et des goûts à elle, et concentrant en général l'action politique dans son sein. C'était une sorte d'aristocratie peu différente de la masse du peuple, dont elle embrassait facilement les passions et les intérêts, n'excitant ni l'amour ni la haine, en somme, débile et peu vivace. Ce fut cette classe qui, dans le Sud, se mit à la tête de l'insurrection. La Révolution d'Amérique lui doit ses plus grands hommes. Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Qui rencontre-t-il pour faire un tableau des mœurs américaines ? Ils vont rencontrer un nombre de gens tout à fait considérables. Il ne faut pas oublier qu'Alexis de Tocqueville, en fait, vient d'une grande famille de l'aristocratie et que, à ce titre, il a des contacts dans les milieux intellectuels, politiques américains. Il va se rendre à Washington, à New York, rencontrer beaucoup d'intellectuels, d'historiens. Et puis, ils vont s'enfoncer tous les deux, ce qui est assez extraordinaire pour l'époque, dans le pays plus profond, dans les forêts du Michigan, dans l'Ohio, qui à l'époque est une terre encore tout à fait vierge, où il va parler de cette nature tout à fait extraordinaire qu'il rencontre et qui, qui va stimuler son imagination, et il va y voir d'ailleurs tout au long de ce périple, il va aller dans le sud, il va voir dans cette nature encore vide pour lui, ou en tout cas où il y a les Indiens dont il parle, mais qui est encore un gigantesque espace pour les pionniers, il va y voir le cadre en fait qui permet à la démocratie de s'installer et à la nature pionnière de l'Amérique peu à peu de s'exprimer, l'esprit d'indépendance propre aux Américains, le fait que ce soit des pionniers qui donc n'ont pas d'obstacles ni psychologiques ni physiques à leur esprit d'entreprise. Qu'est-ce qui plaît, Philippe Roger, à Paul Bourget, et qu'est-ce qui plaît à Chateaubriand ? Alors, le cas de Chateaubriand, évidemment, est fondateur et en même temps d'une complexité très grande. Et j'ai une immense admiration pour l'écrivain. C'est très complexe de le résumer en peu de mots. Il y a beaucoup de mystères aussi autour de ce voyage américain de Chateaubriand. Bon, il part en 1791. Besoin d'aventure, sans doute, goût de voilà d'une expérience de vie pour lui. Où est-il allé ? Il y a eu de longues polémiques sur où est-il allé. Il se trouve que je connais un de nos meilleurs spécialistes de Chateaubriand, Jean-Claude Bercher. Bon, je me fie absolument à ce qu'il en dit. Chateaubriand a débarqué en juillet 1791 à Baltimore. Il est arrivé par la baie de Chesapeake. Et là, il y a une scène très belle, parce que Chateaubriand a ce génie, il l'écrit plus tard, beaucoup plus tard, évidemment, parce qu'il a perdu, enfin, on pense qu'il a perdu tous les manuscrits qu'il prétend avoir écrits en Amérique. Il est très très improbable que ces manuscrits aient survécu à son retour, à son entrée dans l'armée des princes où il a combattu du mauvais côté à Valmy, à son exil pendant des années à Londres, enfin, c'est très peu vraisemblable. Peut-être qu'il a gardé deux ou trois paragraphes quelque part dans un fond de culotte, mais on peut en douter. Et alors il arrive et il a une image merveilleuse puisqu'il arrive dans les plantations du sud colonial, hein, par la baie de Chesapeake, et il sort du bateau au petit matin parce qu'il a vraiment envie de toucher la terre américaine, et il décrit une jeune fille noire qui est une esclave de la plantation et qui lui ouvre la barrière, très étonnée de voir cet étranger. Et alors il décrit sa beauté, il la compare aux déesses les nuits de la mythologie antique, et il a cette phrase évidemment à la fois très belle et terrible: c'est une esclave qui m'accueillit dans le pays de la liberté. Donc il y a une ambiguïté, on cite rarement ce passage qui est beaucoup moins connu que le passage sur les sauvages, bien entendu, puisque ce qu'on a retenu c'est surtout ce fragment qui semble avoir été conçu, peut-être même rédigé vraiment en Amérique. C'est la nuit, la fameuse nuit chez les sauvages, hein, qu'il va réutiliser plusieurs fois, et qui va lancer toute une romantisation de la figure de l'Indien. Mais ce que je voudrais dire quand même là-dessus, c'est que Chateaubriand est beaucoup plus intéressant et complexe que la mythologie qui en est sortie. C'est-à-dire, le succès de Chateaubriand a éclipsé le fait que sa vision de l'Indien est celle d'un Indien déjà perdu, déjà détruit, déjà mort. C'est ça qui est tout à fait fascinant. Dans sa nuit chez les sauvages, il y a une très grande empathie avec cette petite troupe errante. Cette troupe errante, elle symbolise ils se promènent avec les ossements de leurs ancêtres, hein. Et ça symbolise, comme l'a très très bien compris Delacroix plus tard dans un tableau magnifique, hein. C'est un tableau qui illustre les Natchez de Chateaubriand, qui se trouve au Metropolitan à New York, et qui représente la mort de l'enfant du couple indien, qui symbolise toute la fin de ce groupe. C'est ce qui marque toute l'écriture de Chateaubriand depuis le début sur l'Amérique. Évidemment, l'émerveillement pour la nature, certes, évidemment, l'empathie pour les Indiens, certes, mais en même temps, l'idée que c'est déjà perdu. L'Amérique qu'il décrit, elle est déjà perdue, et quand il y revient dans les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est même pire, puis il y a cette scène terrible et très drôle, où il revient, il repasse dans un endroit qu'il avait connu, Et il dit, bon, je vais retrouver quand même cette nature, etc. Il ne retrouve rien du tout. Et quand il entend un peu de musique, et il voit une troupe d'Indiens qui danse une espèce de rigodon ou de javotte avec un violoniste français qui les fait danser. Et c'est une espèce de symbole pour lui que l'Amérique qu'il a vue ou cru voir ou rêver, eh bien, il a eu l'intuition fulgurante que déjà elle n'était plus. Cigarettes and whiskey and wild women, they'll drive you crazy, they'll drive you insane. Les défrichements sur les deux bords de la route que je parcourais offraient un curieux mélange de l'état de nature et de l'état civilisé. Dans le coin d'un bois qui n'avait jamais retenti que des cris du sauvage et des bramements de la bête fauve, on rencontrait une terre labourée. On apercevait du même point de vue le wigwam d'un Indien et l'habitation d'un planteur. Quelques-unes de ces habitations, déjà achevées, rappelaient la propreté des fermes hollandaises. D'autres n'étaient qu'à demi terminées et n'avaient pour toit que le ciel. J'étais reçue dans ces demeures, ouvrage d'un matin. J'y trouvais souvent une famille avec les élégances de l'Europe, des meubles d'acajou, un piano, des tapis, des glaces, à quatre pas de la hutte d'un Iroquois. Mémoire d'outre-tombe, Châteaubriand. Cette Amérique qui fait fantasmer les Français, c'est pas l'Amérique des cow-boys, pas du tout. Mathieu Letourneux. C'est pas du tout l'Amérique des cow-boys que vont imposer Buffalo Bill, les westerns américains, etc. Et qu'aujourd'hui on associe à l'Amérique mythique. Non, c'est une Amérique de conquête française. Une Amérique de conquête française fondée sur une mythologie française de l'Amérique. Et quelle est cette mythologie française de l'Amérique? Celle des coureurs de bois. Des coureurs de bois qui sont les trappeurs, en fait. Les trappeurs français associés aux Indiens, circulant dans l'Amérique, les aventuriers, solitaires. Et donc, c'est une Amérique romantique de l'homme en rupture de banc avec la société bourgeoise, etc. Et ça, celui qui, selon moi, l'incarne le mieux, c'est Gabriel Ferry, qui va, dans la Revue des Deux Mondes, représenter cette figure du voyageur qui circule. L'imaginaire de Gabriel Ferry, cet imaginaire romantique, il est beaucoup plus proche, en fait, de celui de Chateaubriand. Du romantique, du bon sauvage, de la nature romantique, etc. C'est plus de ce côté-là qu'il faut chercher cet imaginaire, ce premier imaginaire américain. Let's go back to yesterday when a phone call cost a dime. In New Orleans, just a nickel. Turn back the hands of time. C'est un pays neuf. Et donc, le fait qu'on soit dans un pays neuf fait que les citoyens sont affranchis des loyautés du passé. Et pour Tocqueville, évidemment, qui vient de ce milieu aristocratique, il sait fort bien que ce qui a entravé, en fait, la marche de la démocratie en Europe, même s'il est persuadé que la démocratie est inéluctable et la marche vers l'égalité, il pense que cette marche démocratique est vers l'égalité des conditions, l'égalisation des conditions, est beaucoup plus facile aux États-Unis parce qu'il n'y a pas justement l'ancienne aristocratie, le clergé, toutes ces classes constituées qui faisaient que l'individu finalement ne se sentait pas libre et affranchi et capable de construire lui-même son destin. Aux États-Unis, il est absolument émerveillé par le fait que les hommes se constituent au niveau local et communal et que finalement la base de la société c'est la commune. Et donc tout va se jouer à ce niveau-là, c'est ça qui permet aux individus d'être tellement entreprenants, d'être tellement puissants, et finalement de ne pas avoir vraiment besoin de l'administration et du pouvoir politique, et de ne pas leur être vraiment redevable. Finalement, il explique que les Américains sont avant tout préoccupés de leurs affaires, et de faire de l'argent, de faire du commerce, du négoce, de construire des entreprises, d'être industrieux, et que dans leur temps libre, ils s'occupent des affaires de la cité. et que finalement, c'est cette espèce d'implication permanente des individus dans les affaires de la cité qui garantit, en fait, le maintien des libertés politiques et la bonne santé du pouvoir. Et il a des pages absolument magnifiques, justement, on sent qu'il a beaucoup réfléchi à ça avant d'aller aux États-Unis, sur le fait que la centralisation du pouvoir, finalement, asservit le citoyen et affaiblit l'être humain, le prive de sa capacité d'initiative, d'où son enthousiasme, non seulement pour la commune et donc le pouvoir local politique, mais aussi cette extraordinaire effervescence des associations de toutes sortes qu'il va découvrir aux États-Unis et qui lui paraissent être la meilleure garantie contre le despotisme qui est toujours tapis dans toute société. Et je crois qu'une des spécificités, évidemment, de la réflexion de Tocqueville sur la démocratie, c'est que la démocratie peut mener au despotisme. Et que, en fait, la passion de l'égalité, si elle n'est pas tempérée par la liberté, peut toujours mener au despotisme. Et donc, il est très important pour lui que les individus restent maîtres de leur destin et donc continuent à avoir une société civile extrêmement vigoureuse pour toujours se prémunir contre le despote potentiel. Puis alors à la fin du 19e, là les voyages deviennent beaucoup plus faciles. Il y a d'abord un certain nombre de journalistes et d'experts, ou d'experts, parfois des experts journalistes, ça existe. Et puis, alors c'est des experts dans quel domaine ? Alors, beaucoup de gens qui s'intéressent à la question sociale. En particulier des gens qui sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des sociologues économistes, en quelque sorte, qui vont essayer de comprendre ce qui se passe aux États-Unis, quels sont les rapports de classe, les rapports du travail surtout, et puis des experts militaires, parce que la guerre de sécession a beaucoup, beaucoup frappé les esprits. Enfin, c'était une guerre terrible et très mécanisée. Donc les plus malins des observateurs militaires se disent « Ouh, c'est là que ça se passe, sur la marine aussi, il y a un grand intérêt sur... » Enfin, un intérêt inquiet hein, pour le développement d'une marine importante, en particulier une marine de guerre. Et puis alors, à la fin du siècle, vraiment vers la fin, 1890, on a à ce moment-là des écrivains, on peut en citer un ou deux, Paul Bourget par exemple, qui était immensément connu à l'époque. Et Paul Bourget, à la fois romancier, essayiste, psychologue, tout ce qu'on veut, qui fait un séjour relativement long. Alors lui, c'est un autre style de voyageur, il connaît tout le monde, il a des lettres d'introduction de tout le monde, il descend dans la plus haute société. On s'est beaucoup moqué de lui parce qu'il a quand même voyagé aux États-Unis, mais enfin, quand il est revenu et qu'il a écrit « Outre-mer », le livre paraît en 1895, il avait passé, je crois, 7 ou 8 mois, j'ai oublié exactement, aux États-Unis, mais on a dit, oui, mais il les a passés à Newport et à Boston, entre des maisons luxueuses où il était un hôte choyé, donc des voyages de luxe, quoi. Et à partir de ce moment-là, bah, oui, ça devient, je dirais pas un rituel, mais enfin, ça va devenir quand même une pratique fréquente, au point que, moi, ce qui m'a beaucoup amusé en lisant tous ces récits de voyage entre la fin du 19e et les années 30, c'est de voir qu'évidemment, ils s'entreglosent. Tous les voyageurs ont lu les voyageurs précédents, c'est classique, hein, ça a toujours été comme ça. Et les plus malins, les plus malicieux, font des références amusées aux voyages des précédents. Par exemple, on dit « Ah oui, les abattoirs de Chicago, oh, bah, vous les connaissez déjà, parce qu'un tel vous a raconté, un tel... » Donc il y a des lieux comme ça qui deviennent stéréotypiques et qui permettent de développer une saga du voyageur français aux États-Unis. Malgré les luttes, les batailles, les complications politiques, l'état de révolution latente, les assassinats, les incendies, Johann August Sutter réalisait son plan méthodiquement. La nouvelle Helvétie prenait tournure. Les maisons d'habitation, la ferme, les principaux bâtiments, les réserves de grains, les dépôts étaient maintenant entourés d'un mur de 5 pieds d'épaisseur et de 12 pieds de haut. À chaque angle s'élevait un bastion rectangulaire muni de 3 canons. 6 autres pièces défendaient l'entrée principale. La garnison permanente était de 100 hommes. En outre, des patrouilles et des rondes parcouraient toute l'année l'immense domaine. Tous les hommes de troupe, racolés dans les bars d'Honolulu, étaient mariés à des femmes californiennes qui les accompagnaient dans tous leurs déplacements, portant le bagage, pilant le maïs et fabriquant les balles et les cartouches. En cas de danger, tout ce monde se rabattait sur le fortin et venait renforcer la garnison. 2 bateaux armés de canons étaient à l'ancre devant le fort, prêts à remonter soit le Rio de los Americanos, soit le Sacramento. L'or, Blaise Cendrars. L'Amérique devient un espace qu'on ne peut pas imaginer coloniser, puisque c'est plus colonisable, ça appartient à d'autres. Mais en même temps, on aime bien rêver un peu dessus. Donc l'Amérique pose problème aux Français à la fin du 19e siècle. On y va, mais on ne sait pas trop quoi en faire, parce que nos fantasmes sont des fantasmes de colons. Et c'est là qu'apparaît une nouvelle figure très importante de l'Amérique, dans la littérature populaire, dans le mythe américain. Ça n'est plus l'Amérique sauvage, c'est l'Amérique moderne de la côte Est. Et donc la figure américaine va devenir de plus en plus dans la littérature populaire le milliardaire américain, le démocrate américain, le ploutocrate américain, avec des mots extrêmes, le Yankee. Le mot pour le définir, c'est le Yankee. Et le Yankee, ou l'Yankee, puisque souvent on l'écrivait comme ça à l'époque, le Yankee, c'est pas tellement le cow-boy, c'est plutôt le milliardaire américain qui sait pas se tenir, parce qu'il a aucune culture. C'est le nouveau riche, c'est l'Américain stupide mais plein d'argent, et c'est souvent aussi le milliardaire qui veut attaquer l'Europe, veut s'emparer de la France, etc., ou des secrets de l'ingénieur français, etc. You look like an angel, walk like an angel. Oui, j'aime plus trop les États-Unis. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. J'ai un peu honte, mais j'aime plus trop les États-Unis. Ouais. Vous les avez aimés? Ah ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé les États-Unis quand j'étais plus jeune, quand j'ai découvert New York. Fabrice Humbert. J'ai fait le tour des États-Unis quand j'avais 22 ans, en commençant par New York et en faisant tout le voyage par le sud, puis en remontant par les Rocheuses et en allant ensuite à Chicago. Et oui, j'avais adoré, les paysages étaient extraordinaires, vraiment fabuleux. J'aimais beaucoup les grandes villes à cette époque. Donc j'avais beaucoup, enfin plus qu'aimé, c'était vraiment un pays que j'adorais. Maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup moins les États-Unis. Et la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a 4 ans, et j'avais même détesté. Mais pour le coup, il y a plusieurs États-Unis et j'étais allé dans un coin que je connaissais pas du tout et où personne ne va jamais, c'est le Dakota du Nord. Et j'étais allé dans un coin bien particulier du Dakota du Nord qui était l'extraction du pétrole et du gaz de schiste. Donc pour aller observer les mineurs, j'étais envoyé par un journal et j'avais fait un reportage à partir d'une semaine d'études de cette partie du Dakota du Nord. Et j'avais vraiment détesté parce que ça rassemblait tout ce qu'on n'aime pas dans les États-Unis. C'était d'abord très violent. Il y avait une population qui était uniquement masculine. Donc des gens qui venaient de tous les États-Unis, attirés par des salaires qui sont très très élevés. Hein. Un mineur qui faisait des heures supplémentaires, il était à 100 000 $ par an. Donc c'est vraiment très important, donc ça attirait énormément de gens, pas les meilleurs, hein. C'était pour l'essentiel donc des jeunes gars assez violents, qui pouvaient être très antipathiques, en particulier avec tout ce qu'ils assimilaient de près ou de loin à un journaliste. Donc ils étaient très régulièrement critiqués, eux c'était leur gagne-pain, ils gagnaient bien leur vie avec ça. Et vous aviez à l'entrée de la ville, enfin du village, un panneau avec les 10 commandements, un panneau de facile 10 mètres de haut, et 50 mètres plus loin, vous sortez du village, autre panneau avec les 10 commandements, Et ce mélange de violence, de religiosité, était vraiment extrêmement désagréable et mêlé à une chaleur effrayante, enfin, ce qui semble tout à fait anecdotique, hein, bien sûr, mais je ne sais pas pourquoi cette impression de chape de plomb qu'il y avait en permanence dans les rues et sur les territoires du gaz de schiste m'ont vraiment complètement liquéfié. Et c'est vrai que c'est vraiment un visage des États-Unis que je ne connaissais pas et qui, par ailleurs, explique pas mal de choses sur les armes à feu, sur Trump aussi, bien sûr. Hein, c'était un électorat pré-trumpien, si je puis dire. Et donc j'ai compris pas mal de choses aussi sur les États-Unis et sur la violence américaine, qui pour le coup est vraiment pas une impression. C'était très très frappant et c'était même inquiétant en fait. Je n'avais pas vu pendant très longtemps, j'ai commencé à être amoureux de Stendhal quand j'étais lycéen, mais je n'avais pas particulièrement fait attention à ce qu'il disait de l'Amérique, ça ne paraissait pas absolument central. Et alors après, quand je le relis souvent, toujours avec le même plaisir, mais quand je l'ai lu avec, en perspective, ce livre sur l'anti-américanisme, ce qui m'a absolument étonné, c'est que dans chaque livre de Stendhal, il y a des passages de dénonciation des États-Unis. Alors, c'est très intéressant. Bon, un ou deux exemples. Tout le monde a ouvert Le Rouge et le Noir, je pense. Et beaucoup d'entre nous, nous souvenons du premier chapitre, c'est la petite ville de Verrières. Verrières, l'atrocité des atrocités, le despotisme, le mot est dans le premier chapitre, hein, le despotisme de la province. Et comment se termine le chapitre, et ça je l'avais mais complètement gommé en lisant le livre, même deux fois, trois fois, c'est la fin du chapitre, c'est « Elle ressemblait en tout à une petite ville d'Amérique ». C'est-à-dire que le prototype même de l'ennui, de la petitesse, de la médisance et du despotisme, le despotisme par le voisin, par l'œil du voisin, c'est ça l'obsession de Stendhal sur l'Amérique. Vous retrouvez exactement la même chose dans La Chartreuse de Parme. Il y a un passage qui m'amuse, enfin ça me fait mourir de rire à chaque fois, c'est quand Fabrice Del Dongo, dont on est tous amoureux bien sûr, filles et garçons, quand Fabrice Del Dongo est sur le point d'être arrêté par les Autrichiens, il va finir sa vie en prison au Spielberg, il va être mangé par les rats dans les forteresses atroces de ces atroces Autrichiens, et la Sainte Séverine lui dit « mais il y a une solution, tu pars en Amérique ». Et alors là, il y a un grand silence qui se fait, ils sont dans une espèce de café, bon, grand silence. Et Fabrice explique que c'est impossible pour lui d'envisager d'aller vivre en Amérique, et ça se termine, cette petite tirade se termine, et là-bas, pas d'opéra. Souvenez-vous, même dans la grande littérature, souvenez-vous de l'ère future. Qui est ce génial inventeur qui fabrique l'Andréide chez Villiers de l'Isle-Adam dans l'ère future ? Vous savez, ce robot futuriste, parfait, etc., qu'un milliardaire demande à un génial inventeur de créer. C'est ce roman fameux de Villiers de l'Isle-Adam. Qui est l'inventeur ? C'est Edison. Et Edison, c'est aussi un Yankee en un sens. Donc, les inventeurs, les milliardaires, etc., qu'est-ce qu'ils racontent tous ? Ben, il raconte justement la transformation de cette Amérique fantasmée, d'une micronation qu'on rêvait encore de coloniser, encore à l'époque de Napoléon III, et qui est devenue plus puissante que nous. Et donc, elle est constituée de milliardaires et d'inventeurs, de créateurs, qui ne nous plaisent pas beaucoup parce qu'ils ne sont pas européens. Et ce qui est vraiment intéressant dans toute cette littérature à partir de 1880, chez Jules Verne y compris, hein, n'oublions pas des personnages de début de Robur le Conquérant, qui sont des milliardaires, on en trouve des milliardaires chez Jules Verne, on en trouve beaucoup chez Paul Divoy, des milliardaires excentriques qui sont souvent aussi des criminels, eh bien, tous ces milliardaires, tous ces ingénieurs, tous ces créateurs sont des figures qui commencent à menacer l'Europe. Et donc il va y avoir un dialogue entre l'Amérique sauvage qui reste là, qui va ressurgir avec le western au XXe siècle, l'Amérique des grandes villes qui correspond à cette Amérique qui s'est développée trop vite et qui fait peur aux Européens, mais qui plaît plus aux Européens, en tout cas aux Français, que par exemple l'Angleterre et l'Allemagne. Faut pas oublier que les vrais méchants dans la littérature populaire, c'est les Anglais et les Allemands. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des colonies aussi. Et donc, quand vous lisez Jules Verne, par exemple, 2 ans de vacances, Deux ans de vacances, je rappelle en une seconde l'histoire, vous avez une île déserte, des enfants qui se retrouvent sur une île déserte sans parents et qui doivent survivre. Et ces enfants sont essentiellement des Anglais avec un ou deux Français et un Américain. Les Français sont évidemment formidables. Les Anglais sont beaucoup plus prétentieux, prédateurs, sont des chasseurs, ils sont impulsifs. Ils ont des défauts pour Jules Verne, même s'ils ont aussi des qualités. Et au milieu, il y a un Américain qui sert d'arbitre entre les Français et les Anglais. Et il y a cette idée un peu que ces lointains Américains peuvent équilibrer les choses entre les Français et leurs adversaires allemands ou anglais. Et ça va être un peu partout dans la littérature populaire, c'est que l'Américain, il n'est pas très raffiné, il ne sait pas se tenir, il se comporte vraiment comme un nouveau riche, mais en attendant, il est là pour pacifier les choses. Le motif de la petite ville ennuyeuse et despotique, est-ce qu'il est, il est partagé par d'autres que Stendhal ? Ah, c'est le cliché absolu. Alors, d'où vient ce cliché ? Il vient de la réalité américaine de l'époque, d'abord, il faut bien le dire. De temps en temps, les clichés sont un peu des reflets, quand même. Mais alors, je crois avoir trouvé à peu près d'où il vient. Il y a deux sources. Ça tourne autour de 1800, toujours, pendant la Révolution française et l'Empire. Il y a deux sources. Il y a une source française. C'est un petit nombre d'exilés qui n'ont pas choisi l'émigration politique, mais qui ont préféré s'éloigner pendant la Terreur. Et il y avait des grandes figures, nobles souvent, mais nobles, j'allais dire nobles de gauche, en tout cas éclairés, Lumière, Lange, Foucault, Liancourt, beaucoup d'autres. Ils sont à Philadelphie à l'époque. Et quand ils reviennent avec « oh là là, la barbe ». Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé pendant 18 mois, un an, c'était atroce. Il n'y a pas de monument, il n'y a pas de culture, c'est évidemment le grand thème. Il n'y a pas d'architecture, ça commence comme ça. C'est tout plat, il n'y a rien en hauteur. Tout est fermé pendant le sabbat, pendant le dimanche. Il y a des chaînes à Philadelphie, il y avait des chaînes pour barrer les routes, pour qu'on n'aille pas en se promener. C'était quand même assez rigoureux. Et puis alors, il y a une autre source plus inattendue qui m'est apparue en lisant les Anglais et les Anglaises. C'est une littérature anti-américaine anglaise. Mais la plus grande de ces écrivains est une femme, c'est Frances Trollope, qui est la mère du romancier Trollope, qui est allée là-bas plutôt sur une idée un peu utopique. Elle voulait fonder une école qui serait ouverte à tout le monde, etc. Bon, et elle va dans des endroits assez rudes, vers le Tennessee, par là, puis elle remonte la vallée de l'Ohio, bon, avec une amie. Bon. Et toutes ces entreprises échouent un peu les unes après les autres. Et elle revient avec un livre qui va la rendre célèbre dans toute l'Europe, un best-selling book absolu, qui s'intitule en anglais « Domestic Manners of the Americans ». Et ce livre va être le premier bréviaire sur la vulgarité américaine, sur la sottise américaine, sur la mesquinerie américaine, et aussi contre les religions américaines. C'est un thème qui va faire florès ensuite. Le résumé du livre, elle le donne elle-même, je vais le traduire très grossièrement, c'est « Je n'aime pas les Américains, je n'aime pas leurs principes, je n'aime pas leurs manières, je n'aime pas leurs opinions. » Point. Et alors Stendhal a adoré ce livre, adoré, il n'a pas été le seul, il a adoré ce livre. Donc voilà, les deux courants, c'est les gens qui y sont vraiment allés, ce qui n'est pas le cas de Stendhal évidemment, les gens qui y sont allés et qui reviennent avec des récits pas du tout à la Chateaubriand, ou alors Chateaubriand version 2, c'est-à-dire, c'est au fond un pays très ordinaire. Et puis ce courant de anti-américanisme anglais qui va durer jusqu'à Dickens. Parce que Dickens va faire une tournée d'ailleurs assez triomphale de conférences aux États-Unis, mais il revient, c'est plus tard, c'est en 1855, je crois, et il revient avec un livre anti-américain, mais incroyable. Donc il y a quand même aussi un anti-américanisme anglais, mais qui va aller s'atténuant avec le temps. Est-ce qu'il n'est qu'élogieux, Lord Manville, vis-à-vis des États-Unis, Tocqueville ? Non, il n'est pas qu'élogieux, il critique beaucoup de choses, il se moque beaucoup... par exemple, du manque de liberté, paradoxalement, intellectuelle aux États-Unis, parce qu'il explique en fait qu'il y a une sorte de tyrannie de la pensée de la majorité. Et que, justement, comme dans les sociétés démocratiques, il y a une sorte d'esprit d'égalitarisme, et qu'au fond, cette majorité n'aime pas du tout que l'on pense en dehors du groupe, J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des pages absolument extraordinaires qui résonnaient aujourd'hui quand on parle de culture de l'annulation ou de politiquement correct, etc., où il montre en fait comment, quand on pense en dehors du groupe, on est tensé de manière assez violente aux États-Unis. Donc il critique ça. Il critique aussi d'une certaine manière, tout en s'en émerveillant aussi, la passion pour l'argent des Américains, qui d'un côté les pousse à effectivement à créer une nation très prospère, à être très entreprenant, mais d'un autre côté limite aussi leur intérêt peut-être pour le spirituel, pour les hautes affaires de la pensée. Il dit qu'il n'y a pas de génie, d'esprit de grands hommes, parce que justement on est dans quelque chose de plus médiocre. Donc il y a des éléments, beaucoup d'éléments critiques, et il y a évidemment tout un énorme pan de la démocratie en Amérique, sur plusieurs chapitres, je crois que c'est au moins une 100 à 150 pages, qui est consacré à la question de l'esclavage et du problème des Noirs et du problème des Indiens. Et donc là, Tocqueville, d'une manière assez claire, voit dans l'esclavage un énorme problème pour les États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne... finalement... On a le sentiment que cette question, il la met à part. Et c'est peut-être aussi la critique qu'on peut lui faire. C'est-à-dire que il traite en fait de la question de l'esclavage en disant que ça va poser un énorme problème dans l'avenir, et que notamment pour le Sud esclavagiste. Mais il dit en même temps que le Nord, que les idées du Nord et ce qu'on a construit en Nouvelle-Angleterre, donc ce régime démocratique, finira par influencer et a déjà commencé d'influencer le Sud. Donc, de ce point de vue-là, il a eu raison, mais d'un autre côté, on a le sentiment qu'il reste pessimiste, en fait, sur la capacité des Noirs et des Blancs à cohabiter. Red is the color of a pretty pillow box. Orange is any orange on a tree. Yellow's the color of a bag of lemon drops. Green is a piece of seaweed in the sea. The color of the sky in summertime. Indigo is a Siamese cat's eyes. Baudelaire, c'est Baudelaire qui introduit dans la langue le mot américanisé. Et c'est dans les fragments qui sont recueillis sous le titre Fusée. C'est un texte extraordinaire. Enfin, de toute façon, tout Baudelaire, ou à peu près, est extraordinaire. Baudelaire est un obsédé de l'Amérique, où il n'a jamais mis les pieds, à cause de Edgar Allan Poe, parce qu'il admire Poe, enfin il fait plus que l'admirer, il le mythifie, il a imaginé une vie totalement rêvée de Poe, il croit que c'est un aristocrate virginien pendant très longtemps, puis après il dit « bon, je me suis complètement trompé, mais c'est encore mieux comme ça, puis peu importe, on s'en fiche ». Et tous ces textes sur Poe sont autant d'accusations contre l'Amérique. C'est parce que c'est Poe qui a tué l'Amérique, pour lui. Pour Baudelaire, Poe est marqué du sceau du malheur, non pas parce qu'il était prédisposé à la mélancolie ou au suicide ou à l'alcoolisme, parce que l'Amérique est invivable pour un esprit élevé. C'est très clair, c'est très net, c'est dit, il le dit dans tous ses textes, et il en a fait plusieurs sur Poe. Hein. Poe, c'est pas un suicidé de l'Amérique, c'est un assassiné par l'Amérique, aux yeux de Baudelaire. Hein. L'Amérique est une espèce de... Il parle de geôle, de prison... C'est un endroit où le poète, le très grand poète, le poète qui pense, parce que pour lui, d'ailleurs un poète doit penser pour Baudelaire, mais Poe est pas seulement poète, il est penseur aussi. Le poor Edgar, bien entendu, Poe est allé de difficultés matérielles en difficultés matérielles, ses textes n'ont pas toujours trouvé un public très réceptif. Encore aujourd'hui, par exemple, les poèmes de Poe, que Baudelaire admirait tant, sont considérés comme pas bons par beaucoup de bons lecteurs américains. Hein. C'est la question Poe, elle est toujours vivante, hein, d'une certaine manière. Poe est français, hein, disons-le. Poe est français. Et je dirais, là, dans le rapport Baudelaire-Poe, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, parce que les Français les plus américains ont toujours en même temps été amoureux d'une personne ou d'un art, prenez le jazz par exemple, beaucoup de Français, ils ont été parmi les premiers à louer le jazz, à créer des revues de jazz dès les années 20, à découvrir le jazz, faire l'apologie du jazz dans les années 20-30, c'est aussi une manière de refuser le reste de l'Amérique. Hein. Le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe. Que cette raison est faible, comparée à toutes celles qui annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci. Qu'est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel ? Car, en supposant qu'il continuât à exister matériellement, serait-ce une existence digne de ce nom et du dictionnaire historique ? Je ne dis pas que le monde sera réduit aux expédients et au désordre bouffon des républiques du Sud-Amérique, que peut-être même nous retournerons à l'état sauvage et que nous irons, à travers les ruines herbues de notre civilisation, chercher notre pâture, un fusil à la main. Non, car ce sort et ces aventures supposeraient encore une certaine énergie vitale, écho des premiers âges. Nouvel exemple et nouvelle victime des inexorables lois morales, nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle que rien parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges ou antinaturelles des utopistes ne pourra être comparé à ces résultats positifs. Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie. Baudelaire, Fusée. Mais même si c'est totalement vrai, je trouve que, assez curieusement, lorsque un réalisateur étranger va à Hollywood, eh bien finalement, il y a quand même une fabrique hollywoodienne qui se met en place. Il y a quand même une patte américaine, mais effectivement nourrie de différentes allusions, de différents talents. Bon, le creuset américain, c'est quand même pas une légende. Et en plus, je crois que Hollywood obéit à des codes qui sont plus puissants que les êtres. Donc, en réalité, quand on va à Hollywood, ou bien on s'adapte, ou bien on n'existe plus en quelque sorte. Donc, autant je trouve que dans les différents arts, toutes les cultures ont une place importante. Et je trouve par exemple qu'en littérature, la place des Américains est un peu trop forte par rapport à ce qu'ils apportent. Je veux dire, j'aime beaucoup la littérature américaine, hein. Il ne s'agit pas du tout de dénigrer. Mais le fait est que je suis quand même toujours frappé. Dans les pays, en fait, il y a deux littératures. Il y a la littérature américaine et puis la littérature locale, si je puis dire, la littérature nationale. Et là, je trouve que ça pose problème parce que, véritablement, il y a beaucoup de qualités dans toutes les littératures. Mais en revanche, au cinéma, et là, j'adorerais qu'on me contredise, hein, mais je trouve que pour le coup, il y a une qualité qui est tout à fait étonnante et supérieure. L'anti-américanisme ne se répandra vraiment très largement dans la population que très tard, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Au fond, c'est la convergence de tous les anti-américanismes et surtout le relais politique apporté par les forces du Parti communiste, de la gauche, etc., à partir de 1945, qui vont faire que l'anti-américanisme deviendra omniprésent. Les caricatures, la pieuvre américaine, le chewing-gum, enfin tout ça, qu'on trouvait un petit peu dispersé, mais qui n'avait pas eu cette ampleur. Mais alors, il y a quand même, et c'est pour ça que j'ai une tendresse amusée particulière pour un roman feuilleton, qui a été écrit par un des maîtres du roman feuilleton au tournant du 19e et du 20e, c'est Gustave Le Rouge. Il est connu surtout des amateurs de ce qu'on appelle littérature populaire ou des amateurs de science-fiction. Et alors, il fait en feuilleton, 1899-1900, la date est importante, Il fait un long feuilleton qui a un succès incroyable pendant 2 ans avant d'être publié en volume, intitulé « La conspiration des milliardaires ». Alors, il y a toutes les recettes du feuilleton, c'est très long et je ne vais pas vous le raconter, mais ce qui est extraordinaire, c'est l'intrigue elle-même, c'est-à-dire le fait qu'il y a aux États-Unis un État qui n'existe pas, l'État est inexistant, le président n'a aucun pouvoir réel, la démocratie, c'est une plaisanterie, hein, ceux qui ont le pouvoir aux États-Unis, ce sont les milliardaires, et non seulement non, ce sont les trusts, hein, c'est le thème des trusts qui est apparu exactement au même moment. Alors il y a le trust de la conserve, il y a le trust, ils sont tous réunis comme une société secrète, et cette société secrète puritaine, hein, ils sont tous plus puritains les uns que les autres bien entendu, cette société secrète puritaine qui a le vrai pouvoir est en même temps décidée à conquérir le monde, tout simplement. Et donc toute l'intrigue du roman, c'est qu'il y a un complot, la conspiration, qui consiste à préparer l'invasion de l'Europe pour soumettre l'Europe et obliger l'Europe à accepter tous les diktats commerciaux, industriels des États-Unis. Et pour ça, alors c'est dans le détail que c'est extraordinaire, parce que on construit une armée secrète d'automates, une armée entièrement automatisée, qui est construite dans une base ultra secrète de Californie, et c'est construit sous la direction d'un certain Hattison, qui est un personnage atroce, et c'est Thomas Edison, qui est décrit par Gustave Le Rouge, sous les traits de Hattison, c'est-à-dire le génie de l'invention, devient un fou criminel au service des milliardaires. Mais il y a une fin extraordinaire et qui, évidemment, ça donne une certaine nostalgie du prestige qu'on se donnait à nous-mêmes, c'est que les milliardaires ayant échoué dans plusieurs de leurs opérations, décident d'envoyer une armée d'hypnotiseurs, en attendant l'armée mécanique. Donc ils envoient des hypnotiseurs, qui sont déguisés bien sûr, et il s'installe où ? Il s'installe à côté de la Sorbonne et du Collège de France. La mission des hypnotiseurs, c'est de capter toutes les inventions directement dans la tête fertile, bien sûr, des savants français de la Sorbonne et du Collège de France. Donc, cocorico. Et ça se termine par une fin tout à fait étonnante de réconciliation générale, parce que les Français ont inventé une machine à rendre les gens gentils. Alors, vous me direz pourquoi cette fantaisie bizarre et pourquoi est-ce qu'elle a eu du succès ? Pour une raison très simple, un épisode que nous avons à peu près oublié, c'est la guerre de 1898. Guerre qui a opposé les États-Unis à l'Espagne, autour de Cuba. Et cette guerre, pour nous, bon, on n'était pas partie prenante, elle a été une véritable bombe aux yeux des Européens, puisque pour la première fois, les États-Unis sont sortis de la défense du continent pour commencer une expansion contre une puissance européenne. L'Amérique des écrivains français. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. C'était l'Amérique, ami ou ennemi. Avec Maïlys de Carangal, Oliver Geilmeister, Philippe Roger, Laure Mandeville, Mathieu Letourneux et Fabrice Imbert. Lecture Maude Jussaume. Prise de son Yann Frécy, Élodie Royer et Claude Nior. Mixage Claude Nior.